8:25, activation orale, question sur l'identité. Vous allez entendre des phrases affirmatives où il s'agit d'une chose ou d'une personne. Après chaque phrase, vous allez formuler une question. Qu'est-ce que c'est? Ou qui est-ce que c'est? Comme si vous n'aviez pas très bien compris la phrase. Vous entendez? 1. Ça, c'est mon frère. Et vous répondez? Qui est-ce que c'est? Bien, vous entendez. 2. Ça, c'est une maison, en Bretagne. Et vous répondez. Qu'est-ce que c'est? Allons-y. 3. Ça, c'est un arbre généalogique. Qu'est-ce que c'est? 4. Ça, c'est tonton Guillaume. Qui est-ce que c'est? 5. Ça, c'est tante Georgette. Qui est-ce que c'est? 6. Ça, c'est un album. Qu'est-ce que c'est? 7. Ça, c'est une photo. Qu'est-ce que c'est? 8. Ça, c'est Mireille. Qu'est-ce que c'est? 9. Ça, c'est la grand-mère de Mireille. Qui est-ce que c'est? 10. Ça, c'est une maison en Bretagne. Qu'est-ce que